Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand la création raconte le sida, une série de Didier Roth-Bettoni réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un auteur qui devient documentariste avec ses souvenirs et ses morts. Il y a aussi des images, des films, des textes et des chorégraphies qui constituent la mémoire du sida. Il y a une génération sacrifiée, de la politique, de l'activisme et des mots qu'on n'oubliera pas. T4, Kaposi, Séropo, Cancer Gay, AZT, Act Up. Mais il y a aussi des archives qui manquent et d'autres qui abondent, de ces journaux intimes rescapés de la grande peste et qui sont avec quelques objets les traces de ceux qui ont disparu et à qui l'on redonne vie sur les écrans. Alors pour commencer, les personnages. Des veufs inconsolables, des historiens en colère, un auteur et ses souvenirs, une artiste qui veille en cousant, des solitaires qui se cachent, des jeunes qui ne savent pas, un cinéaste et ses morts, des parents absents, des activistes déterminés et tous ceux qui ont eu peur. Ensuite, le décor. Un columbarium au Père-Lachaise, les rues de Paris, des fonds de tiroirs, des chambres d'hôpital, une paire de lunettes qu'on ne peut pas jeter, des pages écrites, des archives, un immense patchwork, encore tout neuf, des veillées, des listes de noms, la guerre du Vietnam et des heures de vidéos. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive au cimetière. Ça va au niveau du... On est bien là ? Très bien. C'est bon ? Oui, on est au cimetière du Père-Lachaise, au Columbarium. C'est pas un lieu neutre, j'imagine, pour quelqu'un qui a été Act Up et qui a fait un film sur l'histoire d'Act Up. C'est un lieu qui est chargé de cette histoire-là, de la mémoire de cette histoire aussi. Alors moi, j'ai jamais trop aimé les cimetières. D'ailleurs, j'ai fait un peu mon premier film, Les Revenants, contre les cimetières. Mais effectivement, c'est quand même une... Robin Campillo. C'est la mémoire, surtout parce que c'est ici, surtout, qu'on est rentré avec le cercueil de Clouse-Velay, le second président d'Act Up, à sa mort. Et c'est vrai que c'est chargé de cette image-là, très très fort, parce que moi, j'habitais à côté d'ici. Et donc, j'ai rejoint la petite manifestation, parce qu'on avait fait une petite manifestation à cette occasion. C'était un enterrement politique, un peu comme j'ai essayé de le montrer dans le film. Et donc, on l'a accompagné aux portes. On a passé la porte. Il y a eu ce moment très, très fort où, d'un seul coup, les gens ont arrêté de siffler, ont arrêté les cornes de brume, etc. Et il y a eu un moment extrêmement chargé, comme ça, je me souviendrai toujours. Et c'est vrai qu'après, moi, je ne suis pas rentré, je ne suis pas allé à la cérémonie, parce que j'ai toujours détesté. C'était ça. J'aime pas les cimetières pour une raison simple, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de garder un peu les coordonnées de quelqu'un après sa mort et son adresse, son dernier domicile connu, et que je trouve ça un peu absurde. Et que... Donc pour moi, ça a toujours été un peu contradictoire, mon rapport aux cérémonies, à la mort de quelqu'un, etc. Ça a toujours été un peu compliqué, quoi. On voulait rendre public des morts qui étaient minoritaires, et c'est vrai que depuis le début du sida, enfin, il y avait quand même, depuis le début de l'épidémie, il y avait cette impression que nos morts étaient un peu ensevelis, qu'elles étaient cachées, que c'était que le placard autour des homosexuels avait une forme oblongue et que c'était déjà un cercueil, qu'il y avait quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que inscrire les noms, dire publiquement qui était mort, les affiches, je me souviens pour cette manifestation, c'était très simple, il y avait marqué Clouse-Velay est mort du sida. Il ne faut pas oublier que c'était l'époque aussi où il y avait aussi le patchwork des noms, où les gens avaient un besoin de visibilité, de morts, presque de recensement des morts. Et c'est vrai que ça a un sens là-dessus, sur rendre public, rendre visible cette épidémie par les noms, par le deuil, par notre tristesse aussi. C'était très important. Je ne voulais pas faire justement un monument aux morts. Je voulais redonner un second souffle, de rendre présent quelque chose du passé. Le moment où d'un seul coup j'ai commencé à travailler avec des jeunes comédiens qui sont pour la plupart tous gays, etc., et qui donc ont un autre rapport à l'épidémie et qui n'avaient pas forcément une grande mémoire de ça. En fait, moi, en faisant le film, j'ai compris que je ne savais pas qu'ils ne savaient pas. Et donc, d'un seul coup, le film a pris une ampleur énorme, parce que d'un seul coup, c'était remettre cette vie, et donc cette vitalité, et donc ce militantisme, le remettre à aujourd'hui. Ce militantisme, ça a été quand même une espèce de pulsion de vie et de résistance à la mort et au silence de l'État, de la société. Et que ça, c'est important pour moi de pas faire ça avec des, pas faire un film sur des fantômes. C'était pas seulement faire une histoire purement politique, parce que c'est aussi faire une histoire sensorielle, sensuelle, émotionnelle de cette époque, parce que sinon ça n'avait pas de sens. Quand la création raconte le sida, hanter la forêt fantôme. Didier Rod-Bétony, Nathalie Battus. J'ai mis beaucoup de temps à ne plus lui parler directement et à ne plus penser à lui comme s'il était toujours vivant. Olivier de Vlaichauveur. Il est mort en 93 et j'ai passé 4-5 ans, je pense, à être extrêmement focalisé sur lui encore, sur sa mort, à garder des vêtements, des choses comme ça que je ne pouvais pas me résoudre à évacuer, à supprimer. Je suis sûr qu'il doit subsister encore dans mes tiroirs des choses, des lunettes, des papiers que j'ai gardés, que je... Voilà. C'était mon intimité par rapport à ce vécu, en fait. C'était vraiment ce qui se passait dans cette chambre où j'ai passé des heures avec des silences, des questionnements, qui me renvoyaient aussi à ma propre vie. Enfin, c'était il y a 25 ans. On était quand même très jeunes aussi. C'était des questionnements sur des choses aussi essentielles que... Bah, une histoire d'amour qui avait été violente, qui avait été passionnée, et puis tout à coup se retrouver comme ça dans une chambre avec quelqu'un qui meurt et qui n'a que 31 ans, c'était quand même d'une violence absolue, quoi. C'était inscrit dans ma mémoire, comme ça peut s'inscrire dans la rétine. J'avais tout ce quotidien de ces 3 semaines qui était parfaitement gravé en moi, en fait. Quand mon livre est sorti, j'ai de la famille en Belgique qui se sont demandé pourquoi je n'avais pas pris un pseudonyme, pourquoi je n'avais pas... C'est ces petites violences-là qui étaient presque les plus difficiles à accepter. Mais j'avais besoin, ouais, de marquer cette douleur, de marquer ce deuil par l'écriture, justement, parce que, effectivement, pour beaucoup, ce n'était pas à mettre au même rang que la perte d'un mari et d'une femme, encore une fois, c'était pas au même niveau de peine et de douleur. Alors que les premiers cas de sida avérés les datent du début des années 80, il n'y a jamais eu dans une institution publique une exposition sur la pandémie et ses représentations. Philippe Artière, historien, chercheur au CNRS. Il y en aura une, je crois, en 2020 au Mucem, et quand on sait le tribut qu'a donné le monde de l'art, de Basquiat, Kissaring, en passant par Bagué, Nureyev et tant d'autres, il n'y a pas eu d'exposition. Alors, c'est pas seulement un silence, c'est aussi, d'une certaine manière, une invisibilité. Ils sont comme perdus au champ d'honneur. Et ça me frappe chaque fois. C'est plus que troublant, c'est assez agaçant, c'est même révoltant. Je crois pour une génération comme la mienne. Le sida, c'est quand même la guerre, la grande guerre des dernières décennies du XXe siècle. Et une guerre qui ne cesse pas de durer. Donc je crois qu'il y a quelque chose là d'un peu... qui donne envie d'être en colère. D'abord, une petite chose très égoïste. J'ai eu besoin d'écrire ce livre parce que, bah voilà, il n'y a plus personne avec qui je raconte ma vie. Elisabeth Lebovici, historienne de l'art, autrice de l'essai « Ce que le sida m'a fait ». Donc tout ce qui m'est arrivé, il n'y a plus personne pour en faire conversation avec moi. Quand on raconte sa vie, on n'est pas tout seul. Enfin, ça ne sert à rien. Généralement, on est avec quelqu'un, on lui dit « Tu te souviens ?» Et quand il n'y a personne à l'autre bout, donc voilà, ça c'est ça mon livre. C'était l'idée que bah, je voulais retrouver des gens, peut-être des amis, avec qui refaire conversation. Alors dans ce sens-là, effectivement, c'est retisser des liens qui se sont distendues avec des personnes qui ne sont plus là, certainement, et qui me parlent encore, mais aussi avec d'autres personnes. Et dans ces cas-là, évidemment, il y a quelque chose qu'on transmet. Alors, évidemment, dans ces cas-là, on se dit, bah, effectivement, il est très important de faire œuvre de mémoire. Je crois aussi que nous tous, on a voulu se situer dans un endroit particulier qui n'est pas complètement le fait de se souvenir, d'être dans l'espèce de complaisance, d'être dans le passé. Enfin, c'est pas nostalgique, rien de ce qu'on a fait, à mon sens, n'est nostalgique. Mais c'est pas non plus la volonté de faire grand, la grande histoire et d'avoir la vie définitive. Enfin, c'est pas du tout, c'est très parcellaire tout ce qu'on a essayé de faire. Et donc, je crois qu'on est dans ce trou-là, entre la mémoire et l'histoire. Et c'est comme par hasard, ce moment-là, entre mémoire et histoire, qui est en ce moment un objet d'investigation, et en particulier dans les communautés LGBTQI, avec la question des archives. C'est-à-dire, ces archives, c'est un peu dans le trou entre le travail de mémoire et puis la grande histoire, on pourrait dire celle des archives nationales. On est un peu entre les deux. Et il me semble que c'est là où on peut faire un travail politique, justement, c'est-à-dire effectivement d'infléchir un tout petit peu cette grande mémoire nationale de nos histoires, mais aussi nous sortir de cette... Surtout ne pas être dans ce « c'était mieux avant », parce que c'était pas du tout bien. Du tout, du tout. Donc, non. Seven feet. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Il aura fallu le succès d'un film, ce succès incroyable et inattendu de 120 battements par minute, pour réactiver la mémoire si longtemps effacée, refoulée, évacuée des années SIDA, de leurs combats et de leurs morts, anonymes, activistes ou artistes. Le film de Robin Campillo est ainsi l'emblème de ce temps retrouvé, de ce lien renoué avec le passé, de ce deuil enfin achevé pour toute une génération. La mémoire, le deuil, ces deux dimensions sont indissociables des œuvres qui racontent le SIDA. Porter cette mémoire intime et collective. Partager les larmes et les colères face à la mort de celles et ceux qui sont morts si jeunes. Très tôt, il y eut ainsi des œuvres pour dire ce deuil, pour s'en délivrer, pour créer un tombeau pour les disparus, à l'image du beau premier roman d'Olivier de Vleischhoven, paru en 1997 sous ce titre emprunté à Rilke, « La vie des morts est épuisante ». Très vite, il y eut aussi des œuvres où ces deuils personnels se faisaient militants, comme dans le travail de l'artiste Zoé Léonard. Très vite, il y eut cette nécessité de faire des deuils individuels, des deuils exposés sur la place publique, que ce soit à travers les carrés de tissu du patchwork des noms ou les enterrements politiques d'ACT UP. Un quart de siècle plus tard, il s'agit non seulement de maintenir vivante la mémoire de ces deuils via des célébrations ou des expositions, non seulement de saluer les fantômes de cette époque, mais bien, sans nostalgie aucune, la nostalgie de quoi d'ailleurs, d'en faire une mémoire vive, une mémoire agissante dans le présent. Une mémoire, pour paraphraser Kafka, comme une hache pour briser la glace. Ce que je trouve extraordinaire dans le travail de Zoé Léonard, c'est effectivement, c'est justement ce rapport que son travail entretient avec le politique, avec la politique, et en particulier dans ces moments, dans ce temps-là, hein, Strange Fruit, c'est les années 90, dans la lutte contre le sida. On peut dire que Zoé Léonard est une artiste qui s'est produite dans la lutte contre le sida. C'est des mouvements de lutte contre le sida qu'elle a produit un travail, qu'elle a commencer à produire un travail qui, évidemment, ne montre pas la lutte contre le sida, mais qui émane d'elle. Strange Fruit, c'est très simple. Ce sont des pots de fruits qu'elle a pris le temps et la peine de recoudre entre elles. Et c'est un travail qu'elle a commencé à faire, si je me souviens bien, quand elle était au chevet de David Wojnarowicz, qui était un de ses amis, ou d'autres amis à elle qui étaient malades. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Ben, on fait deux choses, on compte. On compte, c'est-à-dire le nombre de gens dont vous et moi qui avons compté les respirations de nos amis, etc. Et puis, on coud. Et Zoé, elle coud. Elle coud dans la peau de ses fruits, de ses citrons ou de ses oranges. Elle coud la peau. Et elle va donc la reconstituer. C'est important de refaire des corps, de reconstituer des corps avec les trous, puisque les trous sont tout à fait visibles et les coutures sont... quand on coud des fruits, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est autre chose. Peut-être que c'est quand même de la chirurgie esthétique, cette idée de reconstruction tout d'un coup. Et c'est-à-dire que l'objet fini va être porteur de tout cela. Va être porteur du temps passé, va être porteur de quelque chose qui est finalement la production d'un rituel, et aussi va être quelque chose qui va matérialiser, là encore, la représentation, des représentations. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il faut aussi considérer tous ces artistes qui ont été construits par la lutte contre le sida, qui ont été construits par cette pensée extraordinaire qui animait quand même la plupart des associations de lutte contre le sida, et en particulier, on peut dire, ACT UP New York et ACT UP Paris. Et modestement, je peux dire que ça a été très important pour ma construction. Pas seulement les gens qui meurent, mais aussi l'extraordinaire intelligence politique de la lutte collective, quoi. Et c'est ce qui me frappe chez Zoé Léonard, c'est que chaque geste, finalement, a à la fois une extraordinaire fulgurance visuelle et en même temps, ce sont des gestes pesés, ce sont des gestes pensés, très pensés. Ce sera ça mon enterrement politique. Moi, c'est ça dont j'ai envie. Qu'on promène mon corps dans les rues de la ville avec des sifflets et des cornes de brume. Je veux pas qu'on utilise mes cendres car je les ai promises à mes parents. Je le dis maintenant car, même si j'ai peur, et j'ai très très peur, j'ai pas encore souffert. Mais je sais que ça va venir. J'ai refusé d'assister à ton incinération. On recommence. J'ai refusé d'assister à ton incinération au crématorium du Père Lachaise. Pendant que tu brûlais, que tout ce que j'avais aimé en toi, de ta tête à tes pieds, devenait cendre, nous nous réunissions chez les parents. Marie et sa famille, tes anciens amants et tes plus proches amis. Je retrouvais la même sensation qu'après l'enterrement d'Hervé et de Thierry. Ce moment d'entre deux peines, irréel et flottant, entre la perte et le deuil, quand tout est prétexte à rire et que chacun a vu la mort de si près, qu'il ne peut que lui savoir gré d'avoir frappé à côté de sa si précieuse vie. Pendant que tu te décomposais sous les flammes, je n'ai jamais osé demander combien de temps il fallait pour qu'un corps d'os et de muscles devienne poussière légère. Chacun paraissait confronter sa petite part d'éternité. Il n'y a pas de tombe où venir se recueillir, pas de marbre où lire ton nom. Ta mort est une chose que je sais et que je ne vois pas, mais à force de ne te trouver nulle part, tu accomplis ce prodige d'être partout. 3 ans après la mort de Fabrice, j'ai éprouvé le besoin d'écrire sur ce deuil. Et tout est ressorti sous cette manière de journal au jour le jour des 3 semaines qui avaient été cette fin de vie. De manière extrêmement nette, j'avais tout imprimé en fait en moi à ce moment-là. C'était une manière de pousser un cri et de moi-même de m'en sortir d'une certaine manière. Et puis aussi, je pense que c'était la peur que Fabrice disparaisse encore plus sans mes mots, quoi. Enfin, c'était un peu vu que cette fin de vie a été très mouvementée, comme l'ont été beaucoup de fins de vie pour tous ces garçons morts du sida avec des situations familiales compliquées et des conflits. Et j'avais besoin de faire cette espèce de nid dans lequel je l'inscrivais et je nous inscrivais tous les deux. Voilà. Pour sa famille, c'était... Il y avait plein de choses qu'il ne fallait pas dire, il y avait plein de choses qu'il ne fallait pas laisser dire. Au début, il fallait parler d'une tumeur au cerveau, et puis il y avait une absence incroyable. Ses parents, enfin, c'était sa famille vivait en province et ils ont été très très peu présents sur la fin de de Fabrice, mais c'était pas non plus très rare. Moi, j'avais un autre ami qui est mort un mois avant Fabrice, qui était Henri Mondor. Sa peau partait comme ça en lambeaux brûlés par une réaction à un médicament. Et dans le couloir, il y avait encore des tractations entre la famille qui voulait partir, être sûr d'être parti de la chambre avant l'arrivée de son ami pour ne pas se croiser dans le couloir. C'est des choses qui, aujourd'hui, enfin, paraissent complètement démentes, mais qui étaient le quotidien des hôpitaux à l'époque. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose que j'avais à faire. Parce que moi, l'épidémie, au fond, vient contrarier mon désir de cinéma en 82. Parce que je sais que je vais être réalisateur, je vais rentrer dans une école de cinéma, etc. Et en fait, cet événement-là détruit pour moi, d'une certaine manière, l'envie de faire du cinéma. Et en plus, le cinéma que j'aime me paraît inopérant par rapport à l'événement qui est en train de se produire. C'est-à-dire que les gens que j'aimais, ce qui n'est pas très original, de la Nouvelle Vague, Godard, Romer, etc., me paraissent d'un seul coup des gens qui font un cinéma pour des gens en bonne santé. À l'exception de Agnès Varda, qui fait Cléo de 5 à 7, qui est donc un film sur une femme qui attend les résultats de ses tests pour un cancer, et qui, pour le coup, est très proche, moi je trouve, de ce que l'on ressent à l'époque. Donc moi, il y a une contrariété, à part ce film-là, il y a une contrariété par rapport au cinéma. Je n'ai plus le désir parce que simplement, je pense que je vais mourir, donc je n'ai plus d'horizon cinématographique. Mais en plus, le cinéma n'arrive pas, pour moi, à résoudre cette question. C'est-à-dire que, et donc, je mets tout ce temps pour ça. Je ne sais plus quelle était la question. C'est s'il y avait une dimension cathartique. Voilà. Et donc, je mets tout ce temps pour comprendre simplement comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire à partir de ça. Et la dimension cathartique, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai dépassé ça, mais que par contre, curieusement, pour passer à autre chose, si j'ai envie de passer à autre chose d'ailleurs, il fallait que je fasse ce film-là qui résume un peu pas mal d'années de ma vie. Et je suis d'une certaine manière, je suis content de l'avoir fait parce qu'il aurait été tout à fait possible que je passe à côté. Il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas moi, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, les émotions étaient compliquées pour moi. Et d'une certaine manière, heureusement qu'on était jeunes. Je pense qu'il y avait quand même un truc, je ne sais pas si je traverserais les mêmes événements de la même manière qu'à l'époque. Mais moi, je me souviens, par exemple, dans le film, j'ai vécu une des scènes du film où un garçon rhabille le corps d'un copain avec sa mère qui lui parle comme s'il était vivant. Et cette scène, à l'époque, je l'ai à peu près bien vécue. On était dans un drôle d'état. C'est ça dont je me souviens. C'est ça que j'ai essayé d'ailleurs de rendre dans le film, cet état d'auto-anesthésie qui donc coupe des émotions. Affronter, c'était aussi, d'une certaine manière, à l'époque, se protéger de tout ça. Et moi, je suis quelqu'un qui me suis presque trop protégé de tout. Et c'est vrai que, en faisant ce film, c'est que j'arrêtais. C'est au fond la troisième étape, c'est-à-dire d'arriver à se dire, à retraduire des émotions qu'on n'a pas vécues, qu'on aurait dû vivre à l'époque. C'est ça qui, pour moi, était très fort dans ce film. Sean, t'avais demandé la parole tout à l'heure. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on n'a rien à gagner dans cette stratégie de lobby. Et vous le dites vous-même, ça sert à rien. Non, mais il est en boucle. Non, mais Thibault, si les labos, c'est la chasse gardée de la commission médicale, il faut le dire. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sean? On est en train de faire un compte rendu, là. Et on a déjà fait une action contre Melton Farm. Mais c'est la première fois qu'on a une action contre un labo, c'était déjà il y a plusieurs mois. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Ne serait-ce que pour remplir leur putain d'essai thérapeutique. Donc moi, je crois qu'il faut continuer une stratégie offensive et arrêter la discussion interminable avec eux. Mais c'est quand même super désagréable, Sean. Mais tu laisses croire qu'on a des espèces de discussions amicales avec les labos? Comme si on était une élite qui avait juste pour petit but égoïste d'avoir accès à des nouvelles molécules. Mais moi, j'ai pas le temps de jouer à ça, hein. Mes examens sanguins sont pas excellents, j'ai pas de temps à perdre. Ah non, mais on va pas se mettre à comparer nos butins de santé. Non, non, parce que moi non plus ça va pas. Il me reste 164 et des poussières. Ça me donne pas envie de discuter avec des gens qui se foutent de nous et nous font attendre des mois pour nous donner les résultats d'un essai qui vont peut-être se révéler décevants par ailleurs. Sean, tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Regarde, on a fait une action sensationnelle contre Melton Farm. On a mis du sang partout, on n'a pas eu une photo dans la presse. Et c'est pareil ici, à ACT UP. On n'arrive pas à mobiliser sur la question des traitements. On est de plus en plus nombreux en réunion, mais on est toujours aussi peu nombreux, j'arrête pas de le dire, en commission médicale. Alors que c'est la commission la plus importante d'ACT UP. Ah bon, pourquoi c'est la plus importante? Mais parce que, je sais pas si tu te souviens, mais toi et moi, on n'a pas envie de crever, darling. Ah, parce que tu crois que tu vas survivre, toi? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je fais comme si. Ok. Bachir, tu voulais dire quelque chose? là où c'était émotionnel le film, c'était pas seulement de ressentir les émotions de l'époque, les tristesses, repenser aux amis qui sont partis, etc. C'était parce que c'était un travail, c'est-à-dire de trouver une perspective, pas de trouver le sens, de juste construire quelque chose à partir de ça, c'est-à-dire de construire comme un édifice, de voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait entre nous. C'est pour ça que je ne me suis pas tellement inspiré exactement de personnages réels, etc. J'ai essayé de traduire ce qu'il y avait entre nous et les émotions et l'électricité qui nous traversaient. Pour moi, le film se passe dans une espèce de dimension mystique ou mythologique où les gens rejouent ces scènes à l'infini. Moi, je me suis désynchronisé de ma vie à cause de cette épidémie parce que j'ai eu tellement peur et j'ai senti dès les premiers articles, dès 82, le fameux article dans Libération sur le cancer gay, que quelque chose de grave était en train de se passer, qui était aussi de l'ordre du mauvais scénario de science-fiction. Je pense qu'ACT UP, c'est ce moment où moi et d'autres, j'affronte cette peur, cette épidémie, etc. Et 25 ans après, j'arrive à comprendre que c'est ça... le film qui était possible pour moi de faire sur cette épidémie. Mais c'est vrai que ça demande un temps infini pour construire tout ça, en fait, pour savoir ce qu'on a, à quel moment ça devient un objet cinématographique. Parce que moi, depuis le début, je me dis qu'il faut faire quelque chose, mais on ne fait pas un film sur une épidémie comme ça, ça n'a aucun sens. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce que ça représentait d'aller... parce qu'on allait dans un hôpital, on allait voir la personne avec qui on avait un lien, et en même temps, dans les couloirs, dans les cours, on croisait des gens qu'on avait vus, avec qui peut-être on avait une histoire, qu'on avait dragué 6 mois, 1 an avant, et on croisait ces gens qu'on reconnaissait à peine, qui étaient comme des images des camps que nous on avait de la Seconde Guerre mondiale, et puis c'était des physiques terribles qui étaient portés, qui avançaient à peine, tout ça dans des environnements une journée d'été sous les arbres, et on croisait ces gens et on se disait mais ça finira comment et ça finira où? Enfin, on a l'impression que tout un pan, et d'ailleurs on s'en rend compte aujourd'hui, ce que ça a représenté comme perte dans les domaines artistiques de toute une génération de gens bourrés de talent et qui ont disparu, quoi. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui, moi j'ai du mal à m'inscrire dans une génération par rapport à ça. J'ai eu assez de mal à me dépatouiller moi tout seul par rapport à ma petite histoire à moi. J'ai du mal à m'inscrire dans un schéma plus grand. Le sida, c'est toute une langue qui a été partagée par un certain nombre de personnes et qui aujourd'hui est une langue totalement oubliée, qui demeure dans un certain nombre de textes personnel, de littérature personnelle, dont certains, on pourrait dire, assez peu ont été publiés, et beaucoup sont restés chez les proches après la disparition, quand les gens sont morts, mais aussi d'aucuns qui ont heureusement survécu conservent ces écrits ou parfois, et c'est ce que nous avions compris avec un certain nombre à la fois de militants, de personnes atteintes, de chercheurs en sciences sociales, nous avions essayé d'initier ce sida mémoire. On était avant le mariage, on était juste au moment du Pax, donc... La question de la trace de l'être aimé disparu, eh bien, souvent, elle s'incarnait dans quelques poèmes, quelques lignes, des lettres, un journal. Ce qui nous semblait important, c'était pas du tout de fétichiser les archives d'un jeu, mais c'était bien celle de constituer l'archive d'un nous. Et un nous personnel, on a comme ça rencontré un père qui, lui, avait décidé... de transcrire entièrement le journal de son fils, mais qui était le journal d'un garçon qui draguait au bord du canal Saint-Martin. C'est pareil, ces lieux qui ont été des lieux de drague historiques, des lieux aussi de contamination. Il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, c'était autre chose que des endroits où on jouait au ping-pong et à la pétanque. Or, le VIH, il était au centre de la ville. Il a été dans nos vies. Donc, je crois que ça, c'est une chose qui est importante, c'est la manière dont faire le deuil a pu passer par transcrire, essayer de comprendre, ou je ne sais pas si c'est comprendre, en tout cas de se rapprocher. Et l'écrit a pu constituer, l'écrit du disparu a pu constituer quelque chose qui rendait un peu moins inacceptable, un peu moins scandaleuse cette mort. On n'a pas appris à regarder les autres mourir, à partir avec eux, à leur survivre tant bien que mal. On n'apprend jamais, on ne s'habitue jamais au dernier souffle, à la vie s'échappant dans un siphon et puis plus rien, hop, terminé, plus de jus, adjugé, vendu. Celui que vous avez veillé nuit et jour, que vous avez continué à reconnaître jusqu'au bout, malgré les changements, la chair fondue, les yeux fous, les yeux fatigués, les yeux mi-clos, les yeux gonflés, les yeux clos, les gémissements, la gamme des couleurs inconnues, peau grise, peau verte, peau de carton. Celui-là n'est plus. Le patchwork, c'est un assemblage de morceaux de tissu qu'on a quelquefois récupéré chez la personne décédée ou qui représente la personne décédée, qui la symbolise. Jean-Michel Gognet, président de l'association Les Amis du Patchwork. On confectionne, on coud ces morceaux de tissu, on les relie ensuite à d'autres patchworks et ça forme un carré de 3,60 m de côté. Les dimensions sont vraiment importantes. Tonino, Jean-Louis. En fait, il faut savoir que le patchwork, aux États-Unis, ça s'est fait avant l'histoire du sida. Ça s'est fait au moment de la guerre du Vietnam, quand les corps n'étaient pas rapatriés, il ne restait rien. Donc les veuves, les familles, ont créé ces patchworks. En France, quand Jacques Hébert, qui est parti aux États-Unis, a rapatrié cette idée, il n'y avait rien qui restait quand la personne était décédée, surtout s'il était homosexuel. Puisque la famille reprenait ses droits, donc le compagnon, il était écarté. Il ne restait rien pour l'entourage des derniers moments. Il sortait de cet espace de deuil. Donc, le compagnon ne pouvait pas le faire, ce deuil, et il avait besoin de concrétiser quelque chose. Quand il y a un déploiement, on ne fait pas que déployer les patchworks, on lit des noms. Robertson. Donc tous ces noms, ces noms sont couchés sur le patchwork, ont 30 ans, Rato, et puis on a également le nom des personnes décédées récemment. Et tout ça, ça fait un tout. Et ces noms résonnent. 1993. Roudil Stéphane, 1964-1988. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nés après 1995. Et quand ils regardent ces patchworks, ils ont l'âge des personnes qui sont décédées. Et là, forcément, ils se reconnaissent dans ce patchwork. C'est pas si vieux, 30 ans ou 20 ans. C'est pas si vieux. Et ils ont un peu de mal à avoir ces repères. Parce que pour eux, forcément, 20 ans, 25 ans, ils n'étaient pas nés. Et on leur dit, mais vous voyez les coutures. Vous voyez le tissu, là, il a à peine vieilli. Et ça les marque, vraiment. Ces messieurs de Melton Farm sont là. Donc, si nous sommes réunis ici tous ensemble, c'est pour discuter un peu calmement et tenter de trouver un compromis. Excusez-moi, mais je crois que ça va être difficile de trouver un compromis. Ah ben, ça commence bien. Encore une fois, nous comprenons votre impatience, là n'est pas le problème, mais je vous le dis en face, surtout à vous, monsieur, la violence, c'est simplement inacceptable. Jeter du sang dans nos locaux, comme vous l'avez fait, c'est inadmissible. D'abord, il y a eu des dégâts matériels, et ça a un coût non négligeable. Mais aussi, et je dirais surtout, Des dommages psychologiques sur bon nombre de nos employés qui ont vraiment été très traumatisés par votre manière de faire. Pourquoi vous ne nous attaquez pas en justice alors? Pardon? Si vous estimez qu'on est simplement des casseurs, pourquoi vous ne nous attaquez pas en justice? Justement, c'est bien la preuve qu'on veut dialoguer avec vous, non? Non, mais vous devriez le faire. Ce serait intéressant de voir un laboratoire pharmaceutique attaquer une association de malades. Moi, je pense que c'est surtout ça qui vous bloque. N'importe quoi. Et puis, à vos employés en état de choc, vous avez qu'à leur expliquer ce que votre politique de rétention d'informations provoque sur des malades du sida en phase terminale. Écoutez, soyons sérieux, on n'est pas là pour faire des procès, mais c'est vrai que c'est difficile, et je comprends parfaitement l'association AIDS, c'est difficile de travailler avec une association comme la vôtre qui fait appel à des méthodes violentes. Non, mais attendez, là, je vous arrête tout de suite. Toutes les associations ici présentes sont d'accord sur un point. Votre façon de communiquer, ou plutôt de rien communiquer, c'est simplement scandaleux. Attendez, madame, il n'y a rien de scandaleux. Nous sommes là pour dialoguer, nous sommes là pour être transparents avec vous. Nous sommes là pour... Transparent ? Vous êtes là pour être transparent, pardon, on n'avait pas compris. En fait, vous allez nous donner les résultats des analyses sur les antiprotéases ? Ah, mais c'est super ! Ah ouais, c'est super. Il aurait fallu nous le dire, en fait. Mais ça servira à quoi ? On n'a pas les résultats définitifs. Enfin, je veux dire, faut vraiment être un expert pour interpréter ce type de document. Non, ça fait 4 ans que je lis toute la littérature scientifique sur le sujet. Oui, permettez-moi de croire que je serai capable de lire les résultats partiels de votre essai sur les antiprotéases. Nous avons une expertise. J'ai développé une expertise en effet secondaire. J'ai une expertise en vomissement, en diarrhée. J'ai une expertise et il est peut-être temps que vous l'écoutiez. Stéphane Gérard est réalisateur du documentaire « Rien n'oblige à répéter l'histoire ». Il s'est aussi attelé au répertoriage et à l'archivage du monumental « Journal Annal » filmé par le cinéaste expérimental Lionel Soukaz depuis le début des années 90. Quand j'ai rencontré le journal de Lionel Soukaz, la première fois qu'il me l'a présenté, ça a été d'ouvrir des placards dans lesquels étaient rangées les cassettes. Et donc il en ouvre un. Et puis il en ouvre un autre, et puis après on change de pièce, et donc il commence à ouvrir des tiroirs. Et donc très tôt, je me suis rendu compte que c'était non seulement une œuvre importante de ce que je comprenais, de ce qu'elle contenait, mais aussi en termes de volume. On estime aujourd'hui qu'elle fait environ 2000 heures de vidéo. Donc après m'avoir montré les cassettes, Lionel, qui à l'époque basculait tout sur DVD avec l'idée d'envahir YouTube avec les images du journal, me montre des cassettes. Et donc je découvre des images de manifestations, des images plus intimes, certains de ses voyages. Je me rends compte de la diversité des façons par lesquelles le VIH-SIDA rentre dans le journal. Du coup, un des enjeux pour moi, ça a été de voir dans quelle mesure on allait peut-être un jour pouvoir rendre ces images accessibles pour qu'elles puissent servir de source justement à une écriture d'une histoire non plus selon des sources dominantes mais à partir de sources plus minoritaires et plus situées. Du coup, on a mis en place aux côtés de Lionel avec la Bibliothèque nationale de France la sauvegarde et la préservation de l'ensemble du journal. When that day has come and gone, there will be people alive on this earth, gay people and straight people, men and women, black and white, who will hear the story that once there was a terrible disease in this country and all over the world, and that a brave group of people stood up and fought, and in some cases gave their lives so that other people might live and be free. Il y a aussi des propositions qui étaient tout aussi expérimentales. Je pense justement à une autre personne que j'ai interviewée dans mon film, Jim Hubbard, qui, dès le début des années 90, met en place un projet de vidéo qui s'appelle Speak for Yourself, où il va interviewer plusieurs militants d'ACT UP New York en leur donnant la parole sur un temps assez long et qui, du coup, rentre pas non plus dans les formes du documentaire classique. Et puis, par ailleurs, il expérimente aussi avec les effets vidéo permis par les caméras à l'époque. Et un des points forts de Speak for Yourself, ce qui en fait justement un travail aussi expérimental, c'est qu'il part de cette idée d'ACT UP très forte que les personnes concernées par l'épidémie de VIH-SIDA sont les experts de cette situation. Et je pense que c'est un des enjeux justement esthétiques, c'est que l'épidémie de VIH-SIDA va, par des réflexions militantes, poser des questions aux artistes sur les possibilités, les façons de représenter ce qui est en cours. Cette lutte est nouvelle, les formes de mobilisation sont nouvelles. Comment on fait pour la documenter avec des formes qui, elles aussi, sont nouvelles? We did a lot of public speaking back then. We had slideshows and we would bring it to all these different organizations to help them understand why it was important for them to be saving their documents and the records of their work. Dès que Deborah Edel dit cette phrase dans le film, History doesn't have to repeat itself, dès qu'elle l'a prononcée dans l'entretien, j'ai senti que c'était évidemment, elle mettait le doigt sur quelque chose qui était important pour moi, de l'articulation entre pratique militante et connaissance de l'histoire. Et plus fondamentalement sur quelle est l'histoire qu'on nous a enseignée et comment on fait pour connaître l'histoire minoritaire quand seule l'histoire dominante est transmise. Du coup, l'enjeu pour moi, ça a été de traduire cette phrase. History doesn't have to repeat itself, de dire que c'est pas obligatoire. Rien n'oblige à répéter l'histoire. Il y a une volonté d'éviter que les mauvaises choses se répètent, et en même temps, aussi cette envie peut-être de laisser la possibilité de répéter les choses qui ont fonctionné. Pour moi, c'était important pour comprendre une époque de savoir comment on en était arrivé là. Silence is my shield. It crushes. Silence is my cloak. It smothers. Silence is my sword. It cuts both ways. Silence is the deadliest weapon. What legacy is to be found in silence? How many lives lost? What future lies in our silence? How much history lost? So seductive its grip. This silence. Break it. Our silence. Loose the tongue. Testify. Let's end the silence, baby. Together. Il y a un film magnifique, par exemple, qui s'appelle Tongues Untied, réalisé par Marlon Riggs, qui s'intéresse à la difficulté de cette identité d'être à la fois noir et homosexuel au moment de l'épidémie de VIH-SIDA, en parlant à la fois de l'homophobie des communautés africaines-américaines et du racisme des communautés gays dans le New York du début des années 90. Et ben, je pense que c'est très important d'avoir, en tout cas ça peut être très utile, d'avoir ces données-là en tête quand aujourd'hui on pense à la prévention des minorités raciales en France, dont on sait qu'il reste des groupes qui sont très impactés. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que les taux de contamination chez les personnes migrantes, par exemple en France, restent assez importants et que la question de faire une prévention spécifique auprès de ces communautés se pose comme elle s'est posée à l'époque. Quand on pense en termes de groupe, on s'ouvre aussi à la possibilité de créer des stigmatisations. Socialement, on commence à penser que certains groupes sont dangereux et donc plus porteurs du virus. Et donc, en ayant accès à l'histoire et de comprendre les décisions qui ont été prises à l'époque, ça peut éclairer notre prise de décision aujourd'hui en reprenant des enjeux et en les adaptant à la conjoncture actuelle. Cette question de l'œuvre, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ? Moi, je n'ai pas vu le film comme une œuvre. J'ai vu 120 battements plutôt comme... Je suis pas assez malade, moi. Regardez. Mais je parle pas de toi, Sean. Ces jeunes gens qui ont fait de leur lutte contre la maladie une œuvre d'art. Pas parce que je fais pas assez malade, c'est ça ? Et Marcus, tu fais pas assez malade ? Et Muriel, elle fait pas assez malade ? Et toi, tu fais pas assez malade, non ? Sean. Et ça choque personne ce qu'il est en train de dire ? Alors, ça peut paraître très choquant de dire ça, parce que, au fond, ils n'ont pas construit un tombeau. Hein. Ils se sont pas construit un tombeau, non. Ils ont inventé, au sens plus fort du terme, ils ont inventé quelque chose qui relève de nouveaux modes de vie collectifs. Il n'y avait pas des pratiques collectives comme celle-là. Il n'y avait pas cette sociabilité qu'ils ont inventée parce qu'ils étaient obligés de l'inventer pour ne pas être seuls. Et ça, je crois aussi que c'est peut-être pour ça que l'écriture de soi, elle existe, mais c'est peut-être toute une écriture collective de cette fameuse langue dont on a oublié quasiment la grammaire aujourd'hui. En tout cas, c'est une vraie esthétique de l'existence, esthétique contrainte, mais c'est pas une question de courage, c'est une question de force collective, de surgissement. Oui, de subjectivation, aurait dit Foucault. Il est mort. Je pense que ce n'est pas un film de mémoire. C'est un film fondamentalement qui dit il y a toujours, et même face à des situations les plus insupportables qui soient, des possibles et des possibles de création politique, d'invention politique. Notre société est pleine de ces lieux où des personnes en situation d'immense détresse inventent des modes de résistance. Et je crois que le film est aussi, est d'abord un manifeste sur ça. Et très clairement, il historicise les choses, mais en même temps, il en fait un film vers l'avenir. Il n'en fait pas du tout le récit d'anciens combattants. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, l'histoire du sida, elle a 40 ans. 40 ans, alors, il faut quand même réaliser, en fait, on célèbre les 50 ans de 68. 10 ans plus tard, je dis 10 ans, mais évidemment, 15 ans plus tard, il y a un autre événement qui est celui de notre génération, qui n'est pas 68, nous. Je me souviens très bien d'ailleurs de personnes qui me disaient, ils ont eu 68, nous on a le sida, et ça va avoir ça va être un événement aussi total que 68. Et d'ailleurs, c'est un événement mondialisé autant que 68, et même si ce n'est plus. On ne pourra pas écrire l'histoire du monde, disons, des années 80, sans la chute du mur, certes, mais sans la pandémie. C'est inimaginable. On ne comprendrait rien de l'histoire du monde. Alors évidemment, les démographes diront, c'est rien dans la courbe de la population mondiale, c'est rien, le VIH. Simplement, on a envie de dire, en histoire, c'est beaucoup. Il faudrait le soulever un petit peu. Voilà, je vais le prendre comme ça. Comme ça, je passe la chemise derrière. Vous tenez bien. Voilà, on peut le reposer. Pour moi, le film n'est pas du tout mortifère. Même s'il, même s'il se coltine la mort, s'il se coltine le corps après la mort, etc., c'est pas du tout un film. C'est quand même un film où, d'abord, j'accepte de dire adieu à ma jeunesse. C'est une jeunesse contrariée. C'est une jeunesse pas simple. C'est une jeunesse sans nostalgie, justement. Mais je comprends que pour plein de gens... moi, j'ai des copains. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière, un ancien militant, qui m'a dit que ça lui demandait trop d'aller voir le film. C'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est sur des gens qui, justement, ont sans doute tourné la page et sont dans le présent actuellement et qu'ils n'ont plus envie et qui trouvent que aussi il y a des gens aussi que c'est toujours une trahison de revenir sur le passé, etc. Ça, tout ça, moi, je le conçois. C'est ce risque que je le prends, comme disait un slogan d'ACT UP. Je pense que c'est vraiment... On a tous réagi de manière différente. C'était très difficile d'avoir une juste perception de l'événement qui était en train de se produire. C'était difficile d'être pragmatique dans les années 80 quand on était gay par rapport à l'épidémie, enfin je crois. Et donc maintenant c'est pareil, c'est très difficile d'avoir une vision dégrisée de cette époque-là ou une vision juste. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie d'en être de cet événement-là. Moi je pense que c'est normal. Moi, je voulais revenir sur la question des cendres, en fait. Oui. Parce que, comme vous savez, Sean voulait un enterrement politique et il voulait qu'on jette ses cendres sur des assureurs. Du coup, se pose un peu la question technique de savoir comment est-ce qu'on peut récupérer les cendres, quoi. Ouais, je suis au courant, on en a parlé avec Nathan. Hein. Et bien sûr, c'était sa volonté, mais j'aimerais bien que je puisse récupérer des cendres, quoi. C'est-à-dire que vous êtes sur une base de 50-50 ou 40-60? Plutôt 80-20. Je pense que les gens de ma génération qui ont vécu ça sont porteurs de ces morts-là. Je pense que quand nous, on aura disparu, il y aura encore un pan de l'histoire et de leur histoire qui s'en ira complètement, quoi. J'ai du mal à comprendre, effectivement, ce qui a été raté au niveau de cette transmission de la mémoire, et si c'est une volonté. Mais je pense que c'était aussi, pour la génération qui a suivi, trop difficile de conjuguer à la fois l'amour, le désir, et ce poids de mémoire de deuil que représentaient ces années-là, je pense. En fait, les trithérapies ont dépolitisé l'épidémie. C'est ça ce qui s'est passé. Et ACT UP, quand même, aide aussi avant, un des objets, c'était de politiser cette épidémie. de dire, regardez, elle est un révélateur social de plein de problèmes, etc. De parler, d'utiliser les mots qu'on n'utilisait pas à l'époque en France, qui étaient oni, que vous connaissez aussi bien que moi, communauté, minorité, etc., qui étaient dans la République française, qui sont des mots, hein, qui sont presque des injures, enfin des gros mots plutôt. Et c'est vrai que moi, je me suis aperçu que... Et ça m'a choqué, encore une fois, quand j'ai revu le film en projection, où je me suis dit tous les thèmes étaient encore d'actualité. Et c'est toujours à cause des trithérapies. Je pense que pour quelqu'un comme Macron, l'épidémie est finie depuis longtemps. Il vient, c'est lui, il est dans la post-épidémie, et il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre profondément ce dont parle le film. Et c'est vrai que d'un seul coup, il se passe ce truc en juillet de l'année dernière, 2017. Il y a cette conférence internationale sur le sida, auquel Macron ne vient pas, mais non seulement il ne vient pas, mais personne de son gouvernement n'assiste à cet événement. Et ça en dit long, quand même, sur l'impression, l'incompréhension par rapport à cette épidémie. On est quand même à un moment incroyable, où on sait que les gens sous trithérapie, enfin sous traitement, ne sont plus contaminants, ce qui est quand même c'est un truc dont on n'avait même pas imaginé la possibilité il y a 25 ans. Et le fait qu'il y ait la PrEP, le traitement préventif pour les gens qui n'utilisent pas ou peu le préservatif, enfin on a des armes qui sont incroyables, et qu'il n'y ait pas, j'ai envie d'utiliser les mêmes termes de l'époque, où est la volonté politique pour transformer ça en sortie de l'épidémie. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas un film sur la nostalgie, c'était pas seulement un film pour parler d'une époque, mais pour réactiver des luttes qui sont encore importantes aujourd'hui. Et c'est vrai que là, la faiblesse du gouvernement et aussi sa culpabilité sur certains thèmes, je pense que, notamment aux migrants, où c'est quand même la violence d'État est quand même assez, particulièrement forte. On peut ressortir un peu tous les thèmes. Alors nous, on parlait pas de migrants, on parlait d'étrangers à l'époque. Les thèmes n'étaient pas les mêmes, etc. Et je me demande même si on n'est pas un moment de violence sur certaines minorités qui est particulièrement dur, quoi. C'est ton premier zéro point. Ça dépend. Tu veux dire le premier zéro point avec qui je baise? Bah oui. En tout cas, t'es le premier qui me le dit. D'abord, non, ça sera jamais fini. L'épidémie aurait duré 10 ans, peut-être que ça aurait été un événement comme ça. Mais franchement, c'est tellement constitutif de ce que je suis aujourd'hui que je... Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ce film, il clôt un truc, c'est qu'il fait que les deux grandes affaires de ma vie, qui sont cette épidémie de sida et le cinéma, se retrouvent à un endroit. Comment vous dire, c'est au fond, c'est l'expérience à ACT UP qui a fait que j'ai pu produire quelque chose à partir de ça. En être victime, c'était aussi ne rien produire, c'est être stérile par rapport à cette épidémie. Et donc, en réalité, tout ce que je fais est quand même lié à mon passage à ACT UP, à la manière dont j'ai commencé à percevoir le cinéma différemment, qui est un tout petit truc hein, par rapport à la gravité de l'épidémie, au fait que les copains meurent et les amants meurent. Et c'est vrai que je serai toujours travaillé par ce que le sida a modifié chez moi. Voilà, j'avais écrit un scénario, hein. J'ai écrit un ou deux scénarios sur cette question, un film qui s'appelait Drug Holidays, Vacances Thérapeutiques, qui se passait plus dans les années 2000, justement, qui était plus un film sur la trithérapie. Et je l'ai écrit pendant un an et demi, et au bout d'un an et demi, je me suis aperçu que c'était pas bien. Et ce qui est un peu dommage. Et le seul intérêt, c'est que ça a donné des personnages qui sont dans Eastern Boys. Ce qui est curieux, mais je sens que cette épidémie reste pour moi la matrice de plein de choses dans ma tête et continue de produire des effets. Et c'est pas tant l'épidémie que la réponse d'ACT UP à cette épidémie qui produit des effets, je crois, perpétuellement. Words like violence break the silence, come crashing in into my new world. Painful to me, this shot near me. Can't you understand, oh my new girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary. trivial. Pleasure screaming, so does nothing. Words are meaningless and forgettable. Création raconte le sida, Hanter la forêt fantôme. Avec Robin Campillo, Olivier de Vleschauver, Philippe Artière, Elisabeth Lebovici, Jean-Michel Gognet et Stéphane Gérard. Avec des extraits de Robin Campillo, 120 battements par minute, Olivier de Vleschauver, La vie des morts est épuisante, Denis Lachaud, Ma forêt fantôme, Lionel Soukaz, Journal anal, Stéphane Gérard, Rien n'oblige à répéter l'histoire, Marlon Riggs, Tongues Untied. Documentation INA, Marine Decan. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Didier Rodbétenu. Séropositif, séronégatif, malade, bien portant et militant, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Et pour retrouver vos morts, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le cimetière ou nous réécouter dans la forêt fantôme, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc.